France Inter, franceinter.com. Attention, message personnel, panique au Mangin Palace. Je répète, panique au Mangin Palace. Ah ah, nous revoilà. C'est donc la panique en direct du Mangin Palace, épisode 90. Bienvenue à toi dans ce monde archi-loufoque et total foutraque où l'élégance se mélange au n'importe nawak, le tout dans une farandole de volutes sonores orchestrée par une bande de doudingues. La machine est prête et a priori, nous serions ce matin le dimanche 14 octobre 2007, 11h05. Bonjour à toi, l'ami. Cette semaine, dans Panique au Mangin Palace, tu es à la barre du prétoire. Tu es commis d'office ou témoin à charge, tu es faites entrer l'accusé, tu es jugé coupable, tu es Saint-Louis sous ton chêne et tu es aussi... Selon que vous serez puissant ou misérable, les jugements de cour vous rendront blanc ou noir. Oui, tu l'auras compris, l'ami. Ce matin, tu es toute la vérité, rien que la vérité. Tu es justice. Alors, depuis quelques mois, le monde judiciaire est à l'unisson de la politique gouvernementale, puisqu'il est au bord de la rupture. Les claquages de portes chez la garde des Sceaux et la fermeture programmée de plusieurs tribunaux ont entraîné dimanche dernier une consultation d'urgence sur le divan du célèbre professeur Sigmund Drucker. C'est pourquoi ce matin, alors qu'on célèbre aujourd'hui la Saint-Just, la panique au Mangin Palace a donc décidé durant 53 minutes de faire l'état des lieux du système judiciaire français. Et pour commencer justement, des méchouis de l'Inquisition au procès des cochons, nous avons décidé de jeter un œil sur la justice du passé afin d'essayer d'améliorer celle d'aujourd'hui. Ensuite, durant quelques minutes, nous déambulerons dans les couloirs de l'ultime cour de cassation, là où toutes les injustices sont réparées, chez Dieu bien sûr. On enchaînera d'ailleurs sur un réquisitoire d'une âme célèbre qui siège désormais à la droite du Père éternel, à savoir le procureur Saint-Pierre Desproges dans son tribunal des flagrants délires. Et puis, dans la foulée, nous tenterons de mieux appréhender la personnalité complexe de notre ministre de la Justice, la sémillante Rachida Dati. Et enfin, nous te dévoilerons comment Jean-Claude et Monique ont été partie prenante dans un mystère judiciaire irrésolu depuis plus de 40 ans. Une seule mission, tenter de chahuter tes zygomatiques. On est dimanche matin, on est bien et le décollage est imminent. Allez, c'est parti, c'est la panique en direct du Mangin Palace. Alors bien sûr, monte le son et quitte ton siège pour astiquer le parquet. Yeah. Gotha Go Home, autrement dit « Rentre chez toi », c'est ce que te recommandait en 79 le groupe Bonnet M. Mais c'est aussi ce qu'a finalement déclaré le juge en février dernier au mari de Lolo Ferrari, un grand expert des Bonnet M. Alors, avant-hier, la pimpante Rachida Dati, accompagnée de l'austère François Fillon, a donc entamé son incroyable réforme de la carte judiciaire par une visite dans le Pas-de-Calais pour annoncer quelques modestes suppressions de tribunaux. Et pourtant, une clique de magistrats, d'avocats et de bâtonniers irrévérencieux ont hué la garde des Sceaux, les ingrats. Ainsi, pour participer à la régénération en profondeur de la justice en France, la panique au Mangin Palace a donc décidé ce matin d'ouvrir ce dossier sensible afin de faire quelques propositions pouvant inspirer la garde des Sceaux. Bien entendu, on aurait pu évoquer ici les réformes de l'Athénien Dracon, qui n'en était pas un, ou encore la pensée de Salomon, l'écarisseur d'enfants. On pouvait également parler de ce gland de Saint-Louis, sous son chêne à Vincennes. Mais la panique a trouvé mieux. Pour donner quelques idées à la garde des Sceaux, il faut revenir aux fondamentaux. Je rappelle à l'Assemblée qu'elle a obligation de par la sainte obéissance et sous peine d'excommunication de prêter son concours à l'inquisiteur dans sa lutte douloureuse contre l'hérésie. Accusé devant tous d'avoir conçu ton fils sous l'œil de la lune rousse sur un tas d'immondices, traînant dans les gargotes, bien que fille de roi, danse donc la gavotte au sein d'un feu de joie. Messieurs, tenez-vous prêts, la séance est ouverte. Accusez, levez-vous, crachez la vérité et dites « Je le jure, je le jure, je le jure ». Eh oui, la justice du Moyen-Âge est trop souvent décriée, considérée comme inhumaine parce que la torture était soi-disant fréquemment utilisée pour obtenir des aveux. Pourtant, à bien y regarder, aujourd'hui encore, de Téhéran à Guantanamo, la question genre folklore médiéval demeure parfois à la mode. Alors à quand le retour de Lord Ali ? Car dans la justice médiévale, nous pouvons trouver de réelles solutions à de graves problèmes d'actualité. Au Moyen-Âge, tout se passait dans les formes. D'abord, il y a les cas innombrables d'animaux qui avaient tué les gens. C'était fréquent au Moyen-Âge. Les cochons, par exemple, couraient dans les rues de Paris jusqu'à ce que l'un d'eux a fait tomber de cheval et mourir le fils du roi Louis VI le Gros. Et il arrivait qu'un bébé, un petit bébé, fût dévoré par un cochon affamé. Aujourd'hui, on tuerait le cochon. Et puis, on condamnerait le propriétaire. Mais à l'époque, on arrêtait le cochon, on l'emprisonnait, on le jugeait et on le tuait. En 1600 à Nancy, en 1612 à Épinal, en 1662 à Mirecourt, ça s'est passé comme ça. Et le propriétaire du cochon homicide payait les frais. La plus célèbre de ces exécutions de cochons est celle de la truie de Falaise en 1386. Elle avait tué un enfant de 3 ans. On l'a habillée en homme et on l'a pendue par les pieds pour qu'elle meure plus lentement. Pourquoi tout cela ? Bon, je pense pour soulager la colère publique. Eh bien voilà une solution toute trouvée pour ce problème mordant des molosses agressifs. Mais attention cependant, car parfois, quand un animal comparaît devant un tribunal, la suite de la procédure peut être délectable. La suite serait délectable, malheureusement je ne peux pas la dire et c'est regrettable, ça nous aurait fait rire un peu, car le juge au moment suprême criait maman, pleurait beaucoup, comme l'homme auquel le jour même il avait fait trancher le cou. Garogorie. Gare aux gorilles, c'est également ce que se dit la population irakienne quand elle croise la compagnie Blackwater, cette milice privée à la gâchette légère soutenue par les États-Unis. Mais là encore, on peut faire toute confiance en la justice militaire venue des States. Alors, quelles autres pistes de réforme nous offre la justice médiévale ? Eh bien, puisque Rachida Dati se trouve dans le Pas-de-Calais, elle peut faire un tour à Boulogne-sur-Mer, là où le juge Burgot, chargé de l'affaire d'Outreau, avait retrouvé la faconde du grand inquisiteur Torquemada. J'accuse les hommes, je veux qu'on les condamne, au maximum qu'on arrache leur âme, puis qu'on la jette aux rats et aux cochons, pour voir comment eux ils s'en... Bien sûr, une fois encore, nous allons être accusés par quelques esprits malpensants de vouloir réhabiliter l'Inquisition. Mais ce n'est pas vrai! À la panique, nous avons tout simplement une totale confiance dans la vertu des grandes institutions qui ont fait leurs preuves par le passé. D'ailleurs, aucun hérétique ni aucune sorcière condamnée par l'Inquisition n'est venu se plaindre après le bûcher. Et d'ailleurs, pourquoi le bûcher, dis donc, à une époque où les fourches patibulaires étaient à la mode ? Eh bien, tout simplement parce que les religieux de la Sainte Inquisition n'avaient pas le droit de faire couler le sang. Malins les dominicains et les franciscains. Et puis au moins, avec l'Inquisition, la justice, ça ne rigolait pas, alors qu'aujourd'hui, c'est parfois du n'importe quoi. Et pour terminer cette curieuse nouvelle, en Écosse, un sourd-muet a été condamné hier à 50 francs d'amende pour avoir injurié sa mère. Vous avez bien dit un sourd-muet. Oui, mais attendez un peu, pour avoir injurié sa mère, par signe. Vous en êtes un autre genre, maladie. Mais je n'ai rien dit. Oui, mais vous avez fait. Quel dommage que nos auditeurs n'aient pas en ce moment la télévision. Ça suffit, Raymond Tantoral. Bah, évidemment. Heureusement que les auditeurs de France Inter ne regardent pas en ce moment la télévision. Sinon, ils n'auraient pas pu constater combien la panique au Mangin Palace, toujours bonne fille, a voulu aujourd'hui donner un coup de main à Rachida Dati en lui conseillant de s'inspirer de la justice du passé. D'ailleurs, il y a des précédents. Ainsi, en 1976, c'est à Ponce Pilate que se réfère Valéry Giscard d'Estaing quand il refuse de signer la grâce de Christian Ranucci. Tenez. Qu'est-ce que c'est ? Du savon. Ah, merci. Je cherche quelqu'un qui a les mains sales. Quelqu'un dans mon genre, hein ? Là. Merci. Maintenant, vous voilà propre. Je m'en lave les mains. C'est aussi ce qu'a fait André Obrecht, l'exécuteur des hautes et des basses œuvres après la chute du couperet. Ranucci aurait sans doute beaucoup intéressé Voltaire, qui n'a cessé de dénoncer les erreurs judiciaires, comme l'affaire Calas ou celle du chevalier de la Barre, de quoi alimenter ses contes et ses lettres philosophiques. C'est un conte philosophique basé sur des faits historiques. Depuis le Jurassique jusqu'au SMIC, les ascétiques. Pour le pouvoir, le trafic, le sous-sol ou les narcotiques. Certaines personnes utilisent le clic-clic sur toute la terre en Afrique comme dans le sud de l'Amérique. On utilise la même logique même si ça n'est pas démocratique. Quand s'en mêlent les politiques, on met des gamins dans des jeeps qui, sans esprit critique, utilisent le clic-clic. Amour de la métiste parfois, ou du habit pour une insulte dite en public, dans les ghettos, les quartiers chics, pour une simple histoire de fric. Sans aucun scrupule, on utilise le clic-clic. Fascisme, l'esclavagisme ont envoyé au casse-pipe des humains d'un certain type en usant du clic-clic. C'est une question de principe, c'est même une question d'éthique, car cette fois ça n'est pas hit, les jeux vidéo, les clips. Ce qu'il faut c'est que l'on participe, en deux mots former l'équipe, pour ne pas rendre glamour l'utilisation du clic-clic. C'est aussi une autocritique. J'étais fasciné par les guns tout en restant pacifiste. Voir ce qui se passe dans le monde, cela m'a donné le déclic. Ça commence par la haine et ça finit par clic-clic. Clic-clic. Une plaidoirie de maître Claude Solar qui te propose de poser ton gun, sinon c'est 10 ans, et après c'est le clic-clic des menottes qui te conduisent à la santé. Alors, le cadran de notre magnifique pendule électronique nous indique qu'il est désormais 11h19 et après nous être penchés sur l'archaïque justice des hommes, il est temps maintenant d'essayer de comprendre comment fonctionne la justice céleste. Oui, mon ami, bienvenue à toi dans les couloirs de l'ultime cour de cassation dont le juge suprême n'est autre que Dieu lui-même. Personne ne peut nier, malheureusement, que la justice terrestre est approximative, puisqu'elle est humaine, donc faillible. Mais rassurons-nous les uns les autres, car cette triste vérité ne concerne en aucun cas le royaume des cieux. C'est ainsi que dans le psaume 94, il est écrit ceci : « Le jugement céleste sera conforme à la justice de Dieu, et tous ceux dont le cœur est droit l'approuveront. » Traduction : « Seule la vérité triomphera, et les odieuses injustices seront enfin réparées. » C'est pourquoi, devant le tribunal du royaume des cieux, chacun d'entre nous, en effet, doit répondre des accusations divines qui lui sont reprochées, et il n'existe aucune échappatoire au jugement divin. Cela dit, même les plus mauvais d'entre nous jouissent donc d'une seconde chance devant Dieu. Pour leur défense, les âmes qui encourent le purgatoire bénéficient alors d'une plaidoirie de l'avocat du diable devant la deuxième chambre d'accusation. Mon client comparaît aujourd'hui devant la deuxième chambre d'accusation pour viol. Quoi de plus normal qu'une chambre pour un viol ? Bon, on va pas dramatiser, c'est fait, c'est fait. Quelle est la définition du viol ? Si l'on en croit le petit Robert, encore qu'à son âge, que peut-il savoir du viol ? Bon, alors, si vous êtes venu pour faire la gueule, faut le dire tout de suite, alors. Passons au deuxième chef d'accusation. Meurtre. Mon client n'est pas un mauvais gars, mais il aime tuer. Alors, d'où lui vient ce hobby ? Penchons-nous sur son passé, que voyons-nous ? Nous voyons un métier. Qui a dit que mon client était un crétin, un analphabète, un alcoolique, un syphilitique ? Mais pas du tout ! Mon client est un militaire ! Et de carrière ! Forcément, l'avocat du diable plaide toujours pour sa paroisse, mais au contraire de la justice des hommes, celle de Dieu est heureusement clairvoyante, car la préparation des procès célestes est extrêmement méticuleuse. C'est la jolie Ève qui instruit tous les dossiers au paradis. Et vois-tu, si Arnaud Lagardère, par exemple, va sans doute être innocenté dans cette sombre histoire de délit d'initié, eh bien, au moment venu, la jolie Ève reprendra toute l'affaire depuis le début. Je suis chargée d'instruire votre dossier. Bon, qu'est-ce que vous voulez ? Deux gouvernements successifs m'ont accordé leur confiance. Il semble que vous en ayez abusé. Ah oui ? Comment ça ? Vous le savez aussi bien que moi, non ? En macroéconomie, il y a des branches spécifiques. Ah ! Mais revenons sur terre, moi, je vais vous dire ce que je pense. Je pense que vous avez honteusement profité de la situation et que vous avez poursuivi un but d'enrichissement personnel au profit de votre famille et de vos amis. Mais c'est entièrement faux, c'est grotesque, c'est très mal me connaître. Je viens d'un milieu qui connaît la valeur du travail, madame. Je vous sais gré de m'épargner la grandeur de la France. Eh oui, il faut savoir qu'au paradis, la jolie Ève est une juge efficace et coriace. Et Dieu jugera sur pièce cette affaire EADS. Car une fois l'instruction bouclée, la procédure céleste nous conduit à passer devant le tribunal divin. Et c'est là, devant Dieu, que certains espèrent obtenir réparation. On peut imaginer par exemple qu'au moment venu, François Fillon essaiera de récupérer cette résidence de la Lanterne à Versailles qu'on lui a injustement confisquée. C'est alors que Dieu tentera d'y voir clair. Pouvez-vous maintenant nous parler de cette lanterne ? Nous préciser les circonstances de votre don ? Vous décrire les circonstances, monsieur le Président, ça c'est revivre tout le calvaire. 25 années de labeur, monsieur le Président. L'espérance d'une vieillesse tranquille ? Et puis tout d'un coup, le trait de plume. Le décret scélérat qui abolit la propriété. Ben, la lanterne, d'accord, je l'ai donnée à madame la baronne. Mais une fois à la rue, qu'est-ce qui devient le pauvre homme ? Hein ? Une proie. Elles ont beau spil, les éconocroques. Vous voyez d'ici le carnage, monsieur le président. L'homme à terre, piétiné, qu'on achève. Alors, avant de prononcer un jugement sur un dossier aussi complexe, il arrive que Dieu lui-même fasse appel à des témoins. En l'occurrence, à propos de cette lanterne, il est évident que Dieu fera témoigner à la barre Nicolas Sarkozy afin qu'il vienne éclairer le tribunal du royaume des cieux. À chaque fois, c'est la même chose quand je veux rendre service. Parce qu'ils sont grands et quand je suis tout petit et sans défense, tout le monde m'accuse. C'est toujours moi qui prends. C'est injuste, c'est trop injuste. Bon, alors là, on est au bord du faux témoignage devant Dieu. Ça peut coûter très cher, cette connerie. Mais là encore, seul Dieu et Dieu seul connaît le verdict final. Et puis, devant ce tribunal céleste, il y a aussi toutes celles et tous ceux qui cherchent à se racheter, à glaner un peu de clémence, à faire comprendre à la juridiction divine, bon sang, qu'ils ont tout de même fait des efforts. Ce sera sans doute le cas, au moment venu, pour Monsieur de Villepin. Monsieur le juge, que l'on me juge, sans trop de sévérité, car sur mon âme, ce qui fit le drame, c'est la fatalité. Dominique obtiendra-t-il la clémence de Dieu ? Bah, il la mérite un peu ces derniers temps quand même, non ? Mais bon, personne n'a le droit d'influencer ni même de présager le jugement du Père éternel. Et enfin, bien que ce soit une bande de gros mécréants, bravo, les socialistes n'échapperont pas non plus à cette comparution devant le tribunal céleste. Il paraît d'ailleurs que François Hollande prépare déjà sa plaidoirie. On ne sait pas trop ce qu'il faudra dire lorsqu'arrivera le jugement dernier. Je le prendrai comme ça, avec un sourire, même le dernier, je serai le premier. Donc voilà, a priori, le Parti Socialiste attend patiemment l'apocalypse pour ressusciter 2000 ans, quoi. Alors maintenant, pour compléter notre décryptage du palais de justice céleste, comment ne pas évoquer ici le rôle prépondérant du procureur général, à savoir le célèbre Saint-Pierre des proches. Et quel que soit le client jugé, il est intraitable. Même lorsqu'il s'agit d'un éternel académicien, on découvre son réquisitoire de flagrant délire juste après le jingle. Ça me fait rire, ça me fait rire. Ça les amuse, ça les amuse. Française, français, belge, belge. Monsieur le président de Pacotille, monsieur l'avocat le plus bas d'Inter, mesdames et messieurs les jurés, public chéri, mon amour. Quand il a fini d'écrire des conneries dans le dictionnaire, à quoi sert un académicien français ? À rien. À rien du tout. Non mais regardez-le, mesdames et messieurs les jurés. Voyez ce triste spécimen de parasite de la société qui trémousse sans vergogne son arrogance de nanti sur le banc vermoulu de l'infamie populaire. Voyez-le glandouiller sans honte dans ce minable tribunal de pitres grotesques, à l'heure même où des millions de travailleurs de ce pays suent sang et eau dans nos usines, dans nos bureaux et même dans nos jardins, où d'humbles femmes de la terre arrachent sans gémir à la glèbe hostile les glorieuses feuilles de scarole destinées à décorer les habits verts des 40 plésiosaures grabataires qui souillent le quai Conti du chevrotement comateux de leurs pensées séniles. N'avez-vous pas honte, monsieur d'Ormesson, de vous commettre ainsi avec ces 39 vieilles tiges creuses ? Rien dans la cafetière, tout dans la coupole. N'avez-vous point honte de vous exhiber dans cet affligeant gérontodrome ? Vous qui êtes encore jeune et fringant, malgré les rides affreuses qui commencent à défigurer de façon dramatique votre visage naguère aristocratique de beau poupon. N'avez-vous point honte, à votre âge, un grand garçon comme vous, Jeannot, de vous déguiser périodiquement en guignol vert pomme avec un chapeau à plumes à la con et une épée de panoplie de Zorro ? Est-il Dieu possible qu'un écrivain aussi sérieux que vous fasse partie des 40 papilles à tremblotte, tout juste encore bon à réchauffer leurs os cliquetants au soleil du front de scène, en se demandant s'il y a un N ou deux N à zigounette. You Know I'm No Good, c'est le nouveau flagrant délit commis par Amy Winehouse, une jeune femme qui aurait, paraît-il, un penchant pour les substances illicites. En gros, une authentique avocate de la défonce. Alors, pour prolonger notre immersion dans l'univers judiciaire, la panique au Mangin Palace va te révéler maintenant, à 11h31, combien la semaine passée fut éprouvante pour la ministre de la Justice, l'implacable Rachida Dati. En effet, dimanche dernier, Rachida s'est rendue chez Tonton Drucker pour nous raconter sa vie, vautrée sur le canapé rouge de Vivement Dimanche. Et nous y avons appris que l'enfance de Rachida, ça n'a pas été simple. Tous les garçons du village me jetaient des cailloux quand j'allais au pâturage ou quand je plantais mes choux. Ils m'appelaient la vilaine en me montrant du doigt et j'en avais grande peine lorsqu'ils chantaient derrière moi. Tu es laide, laide, laide, bonne qu'à remplir des seaux. Tu es laide, laide, laide, heureusement qu'il y a de l'eau. Ainsi donc, bonne qu'à remplir des seaux, Rachida s'est dit que ce serait bien qu'elle les garde, les seaux. C'est ainsi qu'elle s'est orientée vers l'École nationale de magistrature, parce que Rachida, elle se voyait bien. En rouge et noir, j'exilerai ma peur, j'irai plus haut que ces montagnes de douleur. En rouge et noir, j'afficherai mon cœur, en échange d'une trêve de douceur. En rouge et noir, mes luttes, mes faiblesses, je les connais, je voudrais tellement. Et justement de la tendresse, Rachida Dati en a trouvé auprès de Nicolas Sarkozy. En effet, le soir de son élection, alors qu'ils étaient installés au Fouquet's avec Cécilia, le nouveau président a proposé à la jeune magistrate de devenir totale garde des Sceaux. Bon, d'abord, Rachida avait pensé qu'il lui proposait de s'occuper d'une station essence, mais non, il s'agissait bien de diriger le ministère de la Justice. Rachida a affolé, doutait un peu de ses capacités, mais Nicolas l'a rassuré. Pour lui, au début, ça n'a pas été facile. J'ai beaucoup plaidé. Je me souviens d'ailleurs de la première plaidoirie qui était la mienne. J'avais un trac fou et je défendais devant le tribunal correctionnel de Paris une pauvre femme qui avait divorcé et dont le mari ne payait pas la pension alimentaire, ce qui arrive fréquemment. Et emporté par mon élan, scandalisé par cet acte d'injustice manifeste, j'ai vraiment agonie d'injures ce père de famille qui ne payait pas sa pension, ce qui n'est par ailleurs pas bien du tout, mais je lui en ai dit des vertes et des pas mûres, de toutes les couleurs, j'étais inarrêtable. Tu m'embêtes, tu m'embêtes, tu m'embêtes, bête, va prendre la tête à l'autre et moi lâche-moi un peu. Cécilia demande donc à Nicolas de changer de sujet. C'est étrange à quel point ces histoires de divorce peuvent être parfois tabous. Quoi qu'il en soit, Rachida Dati et Cécilia Sarkozy se sont tout de suite très bien entendus. Mais cette semaine, tout a semblé basculer. Allô, c'est Dada. Oh oui, Dada. Mais qu'est-ce qui se passe? Hier, tu n'es pas venue à mon émission chez Drucker, mais qu'est-ce qui ne va pas entre nous? Non, mais attends. Si j'ai pas pu venir, c'est parce que j'avais une angine blanche. Oh mon Dieu, une angine blanche. Oh, ça doit faire super mal à la gorge. Oh, je te raconte pas. Bouge pas, je t'apporte tout de suite des médicaments. Mais pourquoi t'es aussi gentille avec moi? Mais parce que je suis ta meilleure amie. Ah oui, c'est vrai. Ainsi, lundi dernier, Rachida et Cécilia se sont renouvelés leur serment d'amitié. C'était important, car pour Rachida, la semaine s'annonçait difficile avec la réforme de la carte judiciaire. D'autant plus que Nicolas Sarkozy ne pouvait pas être là à cause d'une visite officielle en Russie. Rachida, avant que Nicolas Sarkozy ne monte dans l'avion, a tout de même essayé de lui faire comprendre combien elle était dépitée de se retrouver seule cette semaine pour réformer la carte judiciaire. Tu m'as pas répondu, Nicolas. Je t'ai pas répondu à quoi? En fait, tu n'as pas avancé d'un pouce. Écoute, je t'ai déjà tout expliqué, on en a parlé 10 fois, déjà on va pas recommencer. Ah non, non, non, tu m'as rien expliqué, Nicolas, tu me dis une chose, tu m'en dis une autre. Ah, ça y est, c'est reparti. Je ne pense pas de mal de toi, Nicolas. Pourquoi tu veux toujours faire croire à tout le monde que tu maîtrises tout et que tout va bien? pourquoi tu me dis pas? Je n'y arrive pas. Ça marche pas. Tu crois que j'ai envie de te répondre, là? Je fais ce que je peux, je suis seul. Je suis tout seul. Mais non, Nicolas Sarkozy n'est pas seul. Il a le débonnaire François Fillon auprès de lui. C'est d'ailleurs accompagné du Premier ministre que Rachida Dati s'est rendue vendredi à Lille dans le Pas-de-Calais pour y annoncer la fermeture de 5 tribunaux, mais aussi pour préciser ce qu'elle pense du système judiciaire français. La justice des hommes est une grosse fille qu'on aperçoit toujours la balance à la main, telle une poissonnière qui pèse les anguilles, raide comme son nom devant les citoyens. Et quand ils entendent les annonces lilloises de Rachida, la réaction des magistrats est effroyable. La ministre est d'ailleurs consternée qu'on puisse la contester. C'est vraiment la galère. Parce qu'avec François, elle s'entend tout de même moins bien qu'avec Nicolas. Surtout quand ça se passe mal, Fillon est un peu moins patient. C'est encore pas bien ce que j'ai fait là. Oh, c'est ni de l'animal, c'est comme toi. Je vois bien que t'es pas content. Oh, parlons d'autre chose, veux-tu? Mais c'est toi qui m'as dit de te dire tout. Bon, bah parlons de ça. Dis, tu crois que je suis faite autrement qu'une autre? Oh non. Mais alors les autres, comment elles s'arrangent? J'en sais rien, elles font comme toi, mais elles n'emmerdent pas le monde avec ça. Oh! Allô? Justement, c'est Nicolas Sarkozy qui téléphone à Rachida Dati. Il est revenu de Russie depuis mercredi et il voudrait savoir comment se passe le déplacement dans le Pas-de-Calais. Rachida explique que quand il n'est pas auprès d'elle, ben rien ne va. J'ai tout mangé le chocolat. J'ai tout fumé les Craven. Ah. Et comme t'étais toujours pas là, j'ai tout vidé le rhum coca. Fallait pas me quitter, tu vois. Il est beau le résultat. Je fais rien que des bêtises quand t'es pas là. C'est que si Nicolas Sarkozy avait été présent, tout se serait sans doute mieux passé. Le président aurait détourné l'attention des médias en parlant d'autre chose, de la Coupe du Monde de rugby par exemple. Encore que depuis hier soir, c'est compliqué. Seulement voilà, coincée avec le Premier ministre dans le Pas-de-Calais, Rachida ne sait donc pas trop comment réagir. C'est alors qu'elle tente de dialoguer franchement avec François Fillon. Depuis que j'ai été nommée garde des Sceaux, pratiquement tous les week-ends, effectivement, je fais la chancellerie. Seigneur, pourquoi mets-tu cette créature sur mon chemin ? Et c'est pour ça que j'exerce cette responsabilité avec beaucoup de conviction. Range ton casier et va descendre la poubelle. Avec beaucoup de détermination. Les portes de la Sainte Trinité vont s'ouvrir pour toi. Ce que les Français attendent, tous les Français attendent. Ils attendent un peu de douceur. Ma fille, tu es soulagée maintenant. Et aussi, beaucoup de justice. Un jour, tu vas te réveiller et le réveil va être très dur, crois-moi. Ce sont des rencontres. Quelle émotion. Quel moment important. Ils t'ont rejeté. Tu n'existes pas pour eux. Quand je deviens porte-parole d'un candidat à l'élection présidentielle, et il me répond, il m'invite à déjeuner. Mais ça se fait entre lui et moi. Tu ne sors qu'avec moi, pour jouer. C'est notre secret. Je lui dois tout. Non, mais on vit dans un monde de dingue. Plus de valeur sur rien, plus de conscience de rien. Je sais pas où on va, mais on y va. Crois-moi, bien content d'avoir eu 20 ans dans les années 70. On savait s'amuser. Et excuse-moi, au risque de te choquer, on baisait sans capote. C'était autre chose. Moi, j'aime beaucoup, sans fioriture. Tu veux pas de moi pour esclave, tu m'auras pour maître. Il faut mourir, la belle, ou être à moi. Dis donc, tu vas te calmer, toi, l'obsédé. Ah, il était moins une, hein. Un peu plus, et le bossu t'explosait de mille feuilles. C'est aussi ça, la justice. C'est aussi ça, la justice, se dit Rachida, qui prépare Fissa ses bagages pour se rendre à Bourges et à Orléans, annoncer de nouvelles fermetures de tribunaux. Puis lundi, ce sera Dijon. La ministre se dit que, franchement, Nicolas aurait pu l'accompagner quand même, hein. La prochaine fois, c'est elle qui le suivra, quitte à rencontrer Poutine afin d'étudier la probité et l'indépendance du système judiciaire de la Russie. C'est l'hiver qui frappe à notre porte, mes amis, allumons un bon feu. C'est l'hiver que le diable emporte, mes amis, ce soir oublions-le. Ceux qui laisse les cœurs pleins de chansons. Kazatchok, un choc musical de Rika Zaraï en 1970, époque où Vladimir Poutine entamait ses études de droit à l'université de Leningrad. Sur les procès de Moscou, il était incollable. En revanche, il a fait l'impasse sur une matière, Pépère, les droits de l'homme. Alors, l'horloge sur le frontispice de la cabine de Marco Mutel nous annonce qu'il est désormais 11h43. Il est donc grand temps maintenant de faire appel à nos deux grandes instances, Monique et Jean-Claude, qui se sont retrouvés le week-end dernier, figure-toi, au cœur d'une énigme judiciaire irrésolue depuis plus de 40 ans. En effet, samedi dernier, vers 14h30, Monique et Jean-Claude faisaient tranquillement leur course au Carouf de Grosboul-les-Bains, leur nouvelle commune de résidence. Et au moment où Jean-Claude rejoignait Monique et son caddie, après avoir fait le plein de fruits et légumes, quelques vigiles ont alors interpellé Jean-Claude. Tu as volé, a volé, a volé, a volé, a volé, a volé l'orange. Tu as volé, a volé, a volé l'orange du marchand. Non, vous êtes fou, c'est pas moi. J'ai pas volé l'orange. J'ai trop peur des voleurs, j'ai pas pris l'orange du marchand. Eh oui. Après 4 décennies de mystère, bon sang, c'est donc notre Jean-Claude qui a volé l'orange du marchand. C'est incroyable, ça. Toujours est-il que dans ce climat de tolérance zéro contre toute forme de délinquance, la juridiction de Grosboul-les-Bains organise depuis peu des comparutions extrêmement rapides, même pour de petits délits tels un vol à l'étalage. Jean-Claude a donc récupéré un avocat commis d'office, maître chanteur, un homme maigrelet surnommé au tribunal l'avocat crevette. Et c'est lui, maître chanteur, qui fut chargé dès lundi matin d'expliquer à Jean-Claude les actes d'accusation retenus contre lui. Alors, vu les préjudices subis en vertu des termes des ayants droit, eu égard à la vente laquelle préalablement l'acte complémentaire comme objet des présentes a exposé ce qui suit les pièces ci-dessus énoncées et datées selon l'article 9 bis. Oui, jusque-là, tout est clair. Vous comprenez pas, c'est pas grave. Et enfin, pour finir, droit honoraire de 24 250 francs pour conciliation de rémunération d'avocat qui... Ah, là, c'est important que vous compreniez. Toi, devoir, moi, 24 250 francs. Eh oui, ça fait cher l'orange. Mais Jean-Claude n'a guère le choix. Il faut organiser rapidement sa défense, puisqu'il doit être présenté devant ses juges demain après-midi à 15h. Après avoir potassé quelques détails du dossier avec son avocat, Jean-Claude patiente nerveusement dans l'antichambre de la salle d'audience. Il fait les 100 pas quand tout à coup un huissier lui annonce que c'est son tour. JC s'installe dans le box des accusés et le juge Ponce présente l'affaire. Ecce homo. Voici l'homme. Eh bien, n'as-tu pas quelque chose à dire pour ta défense ? Je suis né et venu dans le monde pour témoigner de la vérité. Quiconque cherche la vérité, écoute ma voix. Non, ce n'est pas un criminel, c'est un rêveur. Oh là ! Dans l'assistance, Monique, la compagne de l'accusé, est effondrée. Les premiers mots du Jean-Claude devant le tribunal sont pour le moins sibyllins et d'ailleurs son avocat le rappelle immédiatement à l'ordre. C'est alors que la partie civile fait entrer les témoins à charge contre Jean-Claude et notamment l'agent de police qui fut chargé de prendre sa déposition. Ensuite, que s'est-il passé, monsieur l'agent ? Je lui ai demandé de circuler. Mais il a continué à crier des obscénités et m'a fait comprendre qu'il ne voulait pas partir. Quel genre d'obscénités ? Bon, vous savez, les trucs habituels, quoi. Voyons, monsieur Léry, nous avons tous entendu ces mots. Alors, pour les besoins de l'enquête, qu'a-t-il dit ? Il a dit foutre très souvent. Et il a ajouté que je t'emmerde. Enfin, vous voyez le genre. Bah, évidemment, avoir insulté les forces de l'ordre n'arrange absolument pas les affaires du Jean-Claude aux yeux du juge. Mais Jean-Claude souhaite répondre à ces accusations qu'il estime calomnieuses et déclare « Votre honneur, j'aimerais... » Mais là, le juge l'interrompt immédiatement. « Comment m'avez-vous appelé, moi, le juge ? On n'est pas au spectacle, ici. On ne rigole pas, ici. On doit dire « Monsieur le Président » et le Président doit dire simplement « Durand ou Dupont ». On connaît l'affaire. Taisez-vous. Vous parlerez quand on vous le dira. » Décidément, le cas judiciaire du Jean-Claude s'aggrave. Cela dit, comment se fait-il qu'il n'ait pas le droit de prendre la parole ? Merde, c'est illégal, ça. Du coup, Jean-Claude exulte. Mais qu'est-ce que c'est que cette parodie de justice ? Et nos témoins ? Où sont nos témoins ? Nous avons droit à des témoins. Où sont-ils ? Peuple de France ! Le tribunal, c'est toi ! Le juge exige immédiatement le retour au calme. Et bien entendu, qu'il va laisser maintenant la parole à la défense. Seulement voilà, l'avocat du Jean-Claude est effondré, puisqu'ils n'ont pas eu le temps de convoquer le moindre témoin en leur faveur. Du coup, c'est lui, maître chanteur, qui se lance dans sa plaidoirie en faveur du Jean-Claude. Pardonnez-moi, mesdames et messieurs, et quand Johnny Hallyday hurle que je t'aime, quand c'est ton corps qui dit non ? Pourquoi ce corps dit non ? Parce qu'il le sait au fond de lui, qu'il en a assez de crier sous ses cris. J'en ai assez de me battre sous tes cris. Pom, pom, pas de champi pour moi. Don, don. Même Johnny Hallyday ne veut pas partager un acte bestial. Il veut aimer, monsieur le président, mesdames et messieurs les jurés, et vous, monsieur l'avocat général. Jean-Claude adore son avocat. Citer Johnny pour le défendre, mais c'est génial. Là, franchement, c'est sûr, c'est gagné, c'est l'acquittement. Jean-Claude n'est qu'un être d'amour, comme l'a si bien dit son avocat. C'est alors au tour du procureur d'exposer son réquisitoire. Au cours de ses multiples interventions, la défense a tenté de nous faire croire, par un sophisme dont nous n'avons pas encore mesuré toute l'absurdité, la défense a tenté de nous faire croire que ce procès de droit commun était un procès politique. Alors, je pose la question, monsieur le président, je pose la question, messieurs les jurés, je pose la question à tout le monde. Quel est le dénominateur commun à toutes ces actions criminelles ? C'est l'argent. Tout simplement, l'argent. Jean-Claude est fou furieux. Voilà qu'on le réduit à la cupidité, à un esprit vil obsédé par le fric. Tout ça pour une pauvre orange qui était toute pourrie en plus. Mais bon, le juge, comme le spécifie la loi, laisse les derniers mots à la défense et Jean-Claude tente alors de sauver sa tête. Messieurs les jurés, donnez-moi 5 minutes avant de me condamner. Messieurs les jurés, vous serez peut-être un jour au banc des accusés. Est-ce que j'ai l'air d'un assassin ? Voyez-vous du sang sur mes mains ? Est-ce qu'on n'a plus le droit d'aimer ? La cour, restée stoïque, se retire pour délibérer. Mais elle revient très vite. Et visiblement, elle n'a pas été insensible à l'ultime supplication du Jean-Claude. Les juges prononcent alors leur verdict. Mon cœur est plein de chagrin, mais je ne vois nulle raison de contester la juste sentence de la Sainte Inquisition. Oui, il est coupable. Coupable ? Oui, contre toute attente, Jean-Claude est déclaré coupable du vol de l'orange. Gilbert Bécaud est enfin innocenté, et ça c'est bien. Jean-Claude est donc condamné avec mise à l'épreuve. Heureusement, il va pouvoir compter sur le soutien de Monique, qui, elle, cherche d'ailleurs à rassurer monsieur le juge à l'issue de l'audience. Je sens que je vais le conduire sur le chemin du repentir pour l'avenir de la France contre la délinquance. C'est bon, je fais le premier geste, que la justice fasse le reste. Le tribunal se félicite de cette démarche spontanée que propose la compagne du condamné. Fin de l'audience. Seulement voilà, dans la bagnole qui les ramène chez eux, Monique, au volant, ne se doute absolument pas qu'elle risque, elle aussi, très bientôt, de devoir affronter les foudres de la justice et de provoquer ainsi une nouvelle énigme judiciaire. Elle est passée à l'orange, monsieur l'agent. Non. Vous êtes fou. C'est pas moi. Je ne suis pas passé à l'orange. Croyez pas ces menteurs, je vous en prie, monsieur, monsieur l'agent. Oui, c'est bien elle qui l'a grillé et je la reconnais. Non. Moi j'avais la priorité quand l'orange passait. Vous êtes fou, non? Oui, c'est bien elle qui m'a doublé, roulant à toute allure. En cherchant une place pour me garer au mieux. Vous vous trompez, je cherchais à me garer en zone bleue. Elle est passée à l'orange. Je ne suis pas passée à l'orange. Ne croyez pas ces menteurs, je t'en prie, monsieur, monsieur l'agent. Commence à être suffisant, montrez-moi vos papiers. Mais tout de suite, monsieur l'agent, oh, je les ai oubliés. Alors venez, ça répliquer jusqu'au commissariat. Ah non, j'irai pas. Et vous allez bien regretter d'avoir menti comme ça. Mais je vous dis que je roulais à 10 à l'heure en cherchant une place pour me garer au mieux. Mais je vous dis que je cherchais à me garer en zone bleue. Alors, pas de discussion, pas de discussion. Vous allez me suivre au commissariat. Non, j'irai pas. Je vous en prie, vous allez me suivre sans discuter. Non. C'est pas parce que vous êtes là. Non. Vous allez me suivre tout de suite. Tout de suite. Non, j'irai pas. L'orange de l'agent, une redéfinition des chefs d'accusation par l'inculpée Suzanne Gabriello, accusée en 1965 de détournement par le plaignant Gilbert. Elle fut donc condamnée par le tribunal à lui faire un gros béco. Alors, nous voici donc arrivés au terme de notre procédure dans les arcanes du système judiciaire. Des tribulations de Jean-Claude au tribunal de Grosboul-les-Bains, au saut d'humeur de la garde des Sceaux à Lille dans le Nord, tout à l'heure on s'est gouré, de la première instance au jugement dernier et de Sarko Calimero à Burgo quel numéro, nous t'avons dressé un panorama plus qu'incomplet, mais à coup sûr subjectif, de ce que peut être la justice. Reste que pour finir, même si la justice est souvent critiquée, tant par les citoyens que par le pouvoir politique, il n'en demeure pas moins que son indépendance est un des piliers fondamentaux de la démocratie. Parce que, sans cette indépendance, aurions-nous été informés de l'affaire Urba, par exemple, ou de celle des emplois fictifs de la ville de Paris,